Intéressons-nous maintenant au verbe « estar », l'autre verbe pour dire « être » que l'on a déjà vu un peu tout à l'heure avec « sucio ».« Estar » s'emploie pour décrire un état passager, donc pour parler de notre état de santé ou dire comment l'on se sent par exemple. Si « malade » se dit « malo » et « rendre visite » « visitar », comment direz-vous « ils sont malades et ne peuvent pas nous rendre visite ». N'oubliez pas de faire les accords appropriés. Están malos y no pueden visitarnos. Están malos y no pueden visitarnos. Vous pouvez aussi utiliser enfermos pour malade. Hein? Je vous l'avais déjà dit, mais vous pouvez associer enfermos à enfermé, pour vous en souvenir. Estar s'emploie également pour traduire la construction être en train de. Par exemple, estoy leyendo. Je suis en train de lire. Littéralement, je suis lisant. Donc, si cuisiner se dit cocinar, C-O-C-I-N-A-R, comment diriez-vous je suis en train de cuisiner? Estoy cocinando. Estoy cocinando. Cet emploi est facile. Nous avons déjà vu plusieurs exemples avec cette structure, donc avançons un peu. Estar sert aussi à indiquer où se trouve quelqu'un ou quelque chose. Donc, comment direz-vous? Rosario est une ville importante et elle est en Argentine. Rosario es una ciudad importante y está en Argentina. Rosario es una ciudad importante y está en Argentina. Maintenant, si une personne est intelligente, maligne, on dit qu'elle est lista, L-I-S-T-A. Mais on utilise aussi ce mot pour dire prête. Avec listo, lista, dans le sens de intelligent, hein, d'intelligente, on utilise le verbe ser, vu que l'on décrit une caractéristique propre à la personne. Toutefois, listo, lista, dans le sens de prêt, prête, s'emploie avec estar. Il existe de nombreux mots qui changent de sens selon qu'ils sont employés avec ser ou estar. Nous verrons cela plus en détail dans la piste suivante. Donc, si déjeuner se dit almuerzo, A-L-M-U-E-R-Z-O, comment direz-vous? Le déjeuner est prêt. El almuerzo está listo. El almuerzo está listo. Traduisez-moi maintenant. Mon frère est très malin. Il arrive toujours quand le déjeuner est prêt. Commencez par dire « Mon frère est très malin ». Mi hermano es muy listo. Mi hermano es muy listo. On utilise « ser » car « listo » désigne une caractéristique propre à mon frère. Être malin fait partie de son identité. Dis-moi maintenant, il arrive toujours quand le déjeuner est prêt. Llega siempre cuando el almuerzo está listo. Eh oui, llega siempre cuando el almuerzo está listo. On peut dire aussi siempre llega. Lis la phrase d'une traite. Mon frère est très malin, il arrive toujours quand le déjeuner est prêt. Mi hermano es muy listo, llega siempre cuando el almuerzo está listo. Mi hermano es muy listo, llega siempre cuando el almuerzo está listo. Je suis sûr que vous avez déjà connu ce genre de situation avec vos frères et sœurs, n'est-ce pas? Voyons une autre utilisation. Ouvert se dit abierto ou abierta au féminin. Comment dites-vous alors? La porte est ouverte. La puerta está abierta. On emploie está car on décrit le résultat d'une action. Hein? Le résultat d'avoir ouvert la porte. Mais aussi, il s'agit d'un état transitoire. La porte pouvant aussi être fermée. Et comment dites-vous, en utilisant « a esta hora » pour « à cette heure-ci », les restaurants sont ouverts à cette heure-ci? Los restaurantes están abiertos a esta hora. Los restaurantes están abiertos a esta hora. Il fallait effectivement accorder « abiertos » avec « restaurantes ». Los restaurantes están abiertos. On utilise ici « están » car on indique le résultat d'une action. On ne s'intéresse pas à l'action en elle-même, des personnes qui ont ouvert le restaurant, mais à son résultat. Ils sont ouverts. Toutefois, si l'on s'intéresse à l'action en elle-même, comme dans « La porte est fermée tous les jours à 10 heures » ou « La maison a été construite par mon père », on utilise « ser ». Ce sont des phrases au passif, c'est-à-dire qu'elles utilisent ou sous-entendent « par ». Voyons un exemple. Si le passé simple joueur de « ser » est « fue » et en utilisant « mi abuelo » A-B-U-E-L-O pour « mon grand-père » et « atacado » pour « attaquer », comment diriez-vous « mon grand-père a été attaqué par un chien » Mi abuelo fue atacado por un perro. Malheureusement, oui. Mi abuelo fue atacado por un perro. On a utilisé le passé sans plongeoir, fue, qui correspond au verbe ser. On utilise ce verbe car ce qui nous intéresse ici est l'action en elle-même et non son résultat. L'important est le fait qu'il a été attaqué. Et si c'est votre grand-mère qui a été attaquée, comment direz-vous ? Ma grand-mère a été attaquée par un chien. Mi abuela fue atacada por un perro. Mi abuela fue atacada por un perro. Notez ici l'utilisation de por pour dire par, por un perro. Pour plus de vocabulario sur la familia, consultez le livret accompagnant la méthode.